Chapitre 15. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle. Une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sorti de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou. C'est que j'aurais pu m'évader si on m'y avait laissé. Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Bah, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent vous guérissent bien d'une fièvre, mais dont d'une sentence de mort, et pourtant cela leur serait si facile. Une porte ouverte, qu'est-ce que cela leur ferait? Plus de chance maintenant. Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte plus, à moins que, non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est la corde qui vous tient suspendue au-dessus de l'abîme, et qu'on attend craquer à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce. Avoir ma grâce, et par qui, et pourquoi, et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce, l'exemple comme ils disent. Je n'ai que 3 pas à faire, Bicêtre, la conciergerie, la grève.